Da, les pas terre là. Les parterres là, tout le passe, mais ne peut s'empêcher de le voir. Elle ne sait plus que faire de cette misère. Elle ne sait plus que faire de cette misère, cette misère, cette misère, cette misère.